Pour tous vos problèmes en électricité, les électriciens du Nord qu'il faut contacter. Une équipe d'expérience qui est en affaires depuis 40 ans et qui saura bien vous conseiller pour vos différents ennuis électriques. Nous faisons la vente d'équipements neufs ou usagés pour le résidentiel, le commercial et l'industriel, ainsi que les institutions. Les électriciens du Nord, situés au 1025 3e rue à l'Ascension, au numéro de téléphone 418-347-5103. Le propriétaire des électriciens du Nord, M. Ghislain Tremblay, rappelle qu'en achetant localement, préserve nos emplois. C'est la chronique du hockey mineur de Robertval avec Hugo Maltais, présentée par Jean Lapierre Mécanique de Saint-Prime. Salut Hugo. Salut. Hugo, on s'est pas parlé la semaine passée, mais moi j'ai parlé à Marc Boivin, j'ai fait du travail un peu, tu sais l'idée que je t'avais sortie là, puis c'était oui de suite, on est intéressé. Fait que, je sais pas, mais c'est sûr qu'il y a toujours un risque, c'est comme la première année avec les Saguenayens, tu sais pas tant que tu le fais pas. C'est en plein ça. C'est sûr que c'est comme, on en avait parlé toutes les deux, c'est une idée intéressante, qui peut être envisagée. Comment, tu sais, là, il restera toujours à voir comment, un, qui est intéressé, deux, c'est quoi le cadre et comment les gens veulent embarquer dans ce cadre-là. Mais c'est sûr que ça peut être quand même une avenue intéressante pour les gens ou les organisations qui veulent partir là, ce moyen de financement-là. OK. Hugo, parlons maintenant du côté... avant de te parler des ligues, as-tu vu le règlement que la Ligue, je pense que c'est dans le coin des Laurentides, veulent faire pour concernant le novice, tu penses-tu qu'au Saint-Jean, on pourrait voir le jour? Pour les gens qui ne savent pas, dans la catégorie novice, après 3 buts, on retire le joueur parce que semble-t-il qu'il est trop bon. Fait que moi, je trouve ça complètement ridicule comme règlement, là, parce que c'est carrément nivelé vers le bas. Toi, comment tu trouves ça? Je comprends le principe derrière ce règlement-là. Maintenant, c'est comme toute chose. On est parti d'un côté, puis là, on est allé appliquer ça d'un côté extrême sur l'autre bord. Tu sais, je comprends qu'il y a des équipes, des fois, il y a des jeunes qui ont des habiletés dans le novice peut-être plus fortes que les autres. Puis oui, ça arrive qu'il y a des jeunes qui vont compter plusieurs buts par partie. Là, ça, on en est conscient de ça. Puis je veux dire, c'est pas plus dans Lanaudière que c'est à Robertval, Saint-Cyr-Delbeau. Ça, des jeunes de même, on en a eu tout le temps. Maintenant, d'appliquer un règlement limitatif de même, de dire ben, qu'après 3 buts, le gars, le petit bonhomme qui est plus gros, ben, il ne peut plus compter de buts, ben, on est parti de peut-être qu'un petit bonhomme, quoi, là, il peut en compter 7, 8, 9. Admettons même qu'il en compterait 10. On part de 10 buts, puis il y a du plaisir, le petit bonhomme, à dire ben, regarde, c'est fini, bonsoir, t'en comptes 3, puis tu joues plus. Y a-tu une possibilité d'avoir un juste milieu, quelque chose peut-être? C'est-tu vraiment obligatoire de limiter? Première question, tu sais, c'est-tu vraiment valable de limiter les jeunes? Puis deuxième question, ben si on les limite, parce que ça occupe vraiment trop d'influence, ben garde, on peut-tu mettre un nombre de buts intelligents? Parce que toi, si le bonhomme en compte 10, ben là, tu viens de couper 7 buts, ben ça pourrait-tu être 6? Puis au pire aller, s'il en compte 10, il est si fort que ça, ben peut-être que on devrait envisager un surclassement également. Ben oui. Moi, cette année, j'en ai un petit bonhomme de même dans le novice à Robertval. Il est très, très fort, puis il m'aurait compté 10-12. Ben, on l'a pris, puis on n'a pas fait un règlement de limiter, on l'a monté dans la tombe 2B. Cette année, il joue dans la tombe 2B, puis il y a des parties, ça va super bien, puis il y a des parties où c'est plus dur, c'est un novice, mais c'est sûr qu'on n'a pas pensé à limiter le nombre de buts qu'il pourrait compter par partie, puis qu'il va arrêter de jouer hockey, puis qu'il n'y a plus de plaisir parce qu'il compte juste 3 buts. Fait que je pense que c'est une mauvaise. L'idée est bonne, mais le moyen qu'ils ont pris à la fin, il n'est pas terrible. Non, il n'est pas terrible. Moi, du coup, qu'on se choque là, parce que, tu sais, à un moment donné, il va falloir. En tout cas, j'ai hâte de voir, je vais essayer de parler avec Martin Leclerc la semaine prochaine. Au niveau Atom, puis dans vos différentes ligues, comment ça va? Ça va bien. Là, nos cadres, on va dire que tous nos cadres sont bien délimités, là. On a réussi à faire là, quelque chose. Par exemple, si je prends l'exemple du midget, là, nous autres, cette année, on a une équipe dans le midget A, Robertval Mastoyache, puis je pense que l'entraîneur qui est là, en l'occurrence, c'est Frédéric Larouche, qui l'a mis au départ, là, ça voulait partir un peu croche. soir-là, M. Frédéric est avec des règles, des bons principes. Mon midget fonctionne très, très bien. Ils n'ont pas perdu encore. Puis les jeunes se présentent au pratique. Il a fait un bel encadrement. Le bantam, ça va bien. Mes équipes, mon équipe Pioui va bien. Quand je dis va bien, je ne te parle pas nécessairement qu'on a 8 victoires, aucune défaite. Je veux dire, on gagne, on perd, mais au moins l'année est bien. L'année est bien partie. Dans le Pioui, je suis quand même 15 joueurs, donc c'est pas évident. Je fais une équipe à 15 joueurs plus deux goalers, ils sont 17. C'est pas facile. Mais en tout cas, tout le monde essaye de trouver son. Tout le monde essaye de trouver son compte là-dedans. Dans mon atome, ma catégorie atome. Ça va encore même affaire. J'ai des bons entraîneurs, j'ai des bénévoles de qualité qui se sont manifestés, le vice aussi. Donc, au bout de la ligne, ça n'a pas nécessairement un ratio sur mes victoires de fête, mais je fais une affaire. Par exemple, mes petits bonhommes sont bien accompagnés, puis j'ai des bons entraîneurs, j'ai des bons bénévoles, et j'ai beaucoup de parents gérants qui ont voulu s'impliquer. Je pense que je vais avoir une belle année. Puis là, ben, on verra à la fin de l'année si on en a gagné plus qu'on en a perdu, mais du moins... Je suis vraiment content de tous les bénévoles qui se sont impliqués cette année. Ben effectivement. Fait que c'est très, très intéressant là-dedans. Les tournois approchent bien vite. Il y a un tournoi Bantam la semaine prochaine ici. Est-ce que tu as des équipes et tu envoies des équipes? Oui, mon équipe Bantama. OK. Parce que moi, cette année, même affaire que le midget, j'ai juste une équipe dans le Bantam. Fait que mon équipe Bantama de Roberval Mastoyach, même si elle porte le nom officiellement de. Des Hurricanes de Mastoyach, mais c'est le même principe. Donc, on a des jeunes de Roberval-Mastoyach est inscrite à ce tournoi-là. Puis, je sais que le Bantam 2D de Mastoyach est également représenté là, à votre tournoi là, de le Boomstassin dans le Bantam. Donc, puis, je pense que la semaine d'après, ça va être le tournoi à Tourne Pioui qui va commencer. La même affaire, toutes nos équipes à Tourne, toutes nos équipes Pioui sont inscrites au tournoi de le Beau. C'est un beau tournoi, puis les dates sont intéressantes. Ben en mi-novembre de même, les équipes veulent toujours aller se mesurer un peu avant les fêtes dans un tournoi. Ils ont quand même une date là, assez intéressante là, de Boomstassini pour leur tournoi. Ben effectivement, puis le tournoi midget, je le transférerais même de ça, c'est 5 de moi, je le transférerais aussi, même à tout de suite après la chasse. Parce que après les fêtes, c'est toujours difficile d'affronter. Ouais. Oui, puis les gros tournois, il y a beaucoup de tournois. T'es en compétition avec beaucoup de tournois après fêtes, donc ça devient de plus en plus difficile. Mais il n'y a pas beaucoup de tournois avant les fêtes. Ce créneau-là est moins développé. Et c'est certain que les équipes là, comme de Basco à Adolbo, puis Adolbo Stasini pour les équipes, là, les tournois à Tome Pioui Bantam, là, ils ont des dates et des créneaux vraiment intéressants. Puis il y a beaucoup d'équipes, ben c'est ça, ils veulent en faire un avant les fêtes pour se décharger un peu. Fait que l'option d'aller par ce coin-là ben est intéressante. Puis, ils n'ont jamais trop de problèmes à remplir leur tournoi. Puis le taux de participation est toujours intéressant parce que je pense que les dates sont intéressantes. Fait que non, les équipes de Roberval là, vont aller encourager puis participer là, au tournoi de l'Album Station. OK. Hugo Martin, Hugo Massier, on s'en reparle la semaine prochaine. On rappelle que la Conic est une commandite de Jean-Lapierre Mécanique.